Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la triple tragédie de mars 2011 au Japon. Le Japon est en état d'alerte ce matin après avoir été frappé par un violent tremblement de terre de 8,9. La secousse a été suivie par plusieurs répliques. Le séisme a aussi déclenché un tsunami et une alerte au tsunami touche le Pacifique, y compris le Canada. Une explosion s'est produite à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans le nord-est et un réacteur aurait été endommagé. Nous avons évacué immédiatement après l'explosion. Nous avions peur. Tous les gens de la communauté ont évacué. Ma plus grande inquiétude, c'est les radiations. Ça va mettre ma santé en danger. Le 11 mars 2011, un séisme d'une magnitude record de 9 frappe le Japon et déclenche du même coup un violent tsunami sur la côte nord-est du pays. Le tsunami du 11 mars provoque dès le lendemain un grave accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, le pire accident du genre depuis celui de Tchernobyl en 1986. Cette triple catastrophe va provoquer la mort de 20 000 personnes et déclencher une remise en question profonde de la filière nucléaire au Japon et dans le monde. Le journaliste Étienne Leblanc a couvert les événements de mars 2011 au Japon. On a décidé de l'inviter à nous raconter ce qu'il a vu là-bas dans le cadre de cette série d'émissions spéciales d'Aujourd'hui l'Histoire, où on vous présente, dans cette période de confinement, des émissions en compagnie de collègues de Radio-Canada qui viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien ou d'histoires qu'ils ont vécues. Étienne Leblanc, bonjour. Bonjour, Jacques. Avant de parler de ces événements de mars 2011 que vous avez couverts donc à l'époque, un mot sur la place particulière que ça occupe, cette couverture-là, dans votre carrière de reporter. En quoi la couverture de la triple tragédie qui frappe le Japon en mars 2011 a été particulière pour vous? Très particulière. C'est un événement très, très important dans ma carrière. Bon, j'ai pas une si longue carrière que ça quand même, une vingtaine d'années, mais c'est sûr que c'est un événement très marquant d'abord parce que c'est la première fois que je mettais les pieds au Japon. Et puis, Jacques, pour tous ceux qui sont allés dans ce pays, ils savent très bien que c'est un pays unique, hein, qui a des codes culturels complètement différents des nôtres, où on parle presque pas anglais. Et donc, on perd rapidement ses repères. Et puis, on est parti aussi, et ça m'a vraiment marqué, on est parti dans l'incertitude quand on est monté dans l'avion. On savait pas vraiment quelle était l'ampleur de la catastrophe. Et moi, j'ai couvert plusieurs catastrophes là, dans ma carrière. Et vraiment, celle-ci, c'était unique parce qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et d'ailleurs, on a eu bien des surprises. Et c'est aussi la première fois que je me suis retrouvé, bien malgré moi, face à la menace d'un accident nucléaire. Et, ouais. Et franchement, je le souhaite à personne parce que c'est un peu stressant. Et ça m'a profondément marqué aussi. Ouais. Donc, on va la revivre, cette couverture très singulière des événements de mars 2011 avec vous dans les minutes qui viennent. Et puis, on revient tout de suite justement à ce qui s'est passé ce jour-là, le 11 mars 2011. Comment tout commence, et ça commence évidemment avec ce séisme très violent qui frappe le Japon là-bas, à heure du Japon, au beau milieu de l'après-midi. J'ai eu peur et c'est la première fois, ça fait 10 ans que je suis au Japon, c'est la première fois qu'un séisme me fait peur. J'étais très exactement au bureau de l'AFP. On a commencé à sentir les premières secousses auxquelles on est plutôt habitué, hein, pas très fortes, mais ça s'est accentué d'un seul coup et ça a duré extrêmement longtemps parce que les immeubles sont construits sur des structures parasismiques qui accompagnent le mouvement. Ouais. Donc l'immeuble a tangué d'une manière absolument incroyable. Les bibliothèques qui sont montées sur rails se sont baladées d'un bout à l'autre. Les stores ont fait un bruit infernal. Immédiatement, les services nous ont alertés que les ascenseurs s'étaient stoppés automatiquement. Ma pile de documents, qui était mal rangée, c'est vrai, est tombée fatalement. Et puis moi, j'étais sous ma table. La correspondante de l'AFP à Tokyo, Karine Poupé, au micro de René Aumiroy, à l'émission « C'est bien meilleur le matin », le 11 mars 2011. On l'entend bien dans cet extrait, Étienne Leblanc. Elle est habituée. Ouais. Karine Poupé, elle vit au Japon. À ce moment-là, déjà, elle vit au Japon depuis des années. Ça brasse pas qu'un peu. Qu'est-ce qui se passe le 11 mars 2011? Ben, elle l'a dit, Karine Poupé, hein, c'est en plein milieu de l'après-midi. Donc, tout le monde était au bureau ou vaquait à ses occupations. La ville était pleine. Les villes étaient pleines, autant la ville de Sendai que la ville de Tokyo. Il était 14h15 46 heure locale et donc en plein cœur de la journée. Séisme de magnitude 9,1, donc dont l'épicentre était dans l'océan Pacifique à peu près 130 km de la ville de Sendai à l'est. 9,1, Jacques, c'est un immense séisme. C'est un des 5 plus grands séismes depuis 100 ans. Donc, c'est un événement déjà, au point de vue géologique, exceptionnel. Et Karine Poupé le décrivait bien. Le Japon est habitué d'avoir des séismes. Les immeubles sont très bien construits pour ça. Mais il a fait peur. Et donc, le séisme est arrivé donc, au nord-est, environ à 300 km au nord-est de Tokyo, près de la ville de Sendai, comme je le disais, dans la préfecture de Miyagi. Et la première secousse de 9,1, Jacques, elle a duré plus de 2 minutes. Alors, je peux vous dire, pour avoir vécu par la suite plusieurs tremblements de terre dans différents pays, le Chili, l'Islande, le Maroc, 2 minutes, c'est interminable. Une éternité, ouais. Et de la façon dont elle décrit ça, Karine Poupé, c'est ce qu'on a vu sur les images aussi, hein. Les gratte-ciels qui tanguent, mais vraiment qui bougent là, de au moins un mètre et demi, de gauche à droite, comme ça. Et donc, ça fait peur, comme elle le décrivait. Et ça a entraîné toutes sortes de choses. D'abord, l'arrêt automatique des réacteurs de centrales nucléaires qui étaient sur la côte. Il y a un système d'arrêt automatique quand il y a un séisme comme ça. Et dans les heures qui ont suivi, tous les transports ont été interrompus. Il y a eu d'alerte au tsunami qui a été déclenchée dans une vingtaine de pays. Et de fait, il y a eu un tsunami, un gros tsunami, au bout d'une dizaine de minutes après. Donc, il y a une vague qui a commencé à entrer. Et puis, dans les minutes qui ont suivi, sur 600 km de côte, là, on a vu par endroits des vagues de 15, 20 mètres, même 30 mètres qui se sont abattues sur les côtes. Et là, c'est ça qui a fait le plus de dommages. Ouais. Les vagues sont rentrées à l'intérieur des terres sur plus de 10 km à certains endroits. Et voilà, c'est ça qui a tué le plus de monde, finalement. Effectivement, donc séisme extraordinaire, mais qui provoque ce tsunami extraordinaire, puis on y reviendra, mais c'est vraiment le tsunami qui fait le plus de dommages matériels, mais qui fait le plus de pertes aussi en vie humaine. Revenons à votre couverture, vous le disiez, une des particularités de cette couverture-là pour vous, c'est que, bon, vous allez au Japon pour la première fois, mais c'est que vous ne savez pas vraiment ce qui vous attend quand vous allez atterrir, parce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là qu'il y aura un accident à la centrale nucléaire de Fukushima, mais parlez-moi un petit peu de ça, comment ça s'organise. Le temps de réaction, c'est assez impressionnant. En préparant l'émission, là, vous, très très vite, la direction de Radio-Canada décide de vous envoyer là-bas. Comment ça se passe, le début de cette couverture? Oui, ils ont été très rapides. Donc, il était 4h moins quart, 3h46 pendant la nuit ici. Et donc, dès 7h30 le matin, la décision était prise d'envoyer une équipe de télé, une équipe radio pour aller couvrir cet événement. Et donc, tout de suite, à 7h30, on me demande, je dis oui, avec la collègue Catherine Mercier, la journaliste de la télé, réalisateur Danny Croussette, le caméraman Laurent Racine. Donc, on part tout le monde ensemble. Et dès midi, on a les deux pieds dans l'avion. Et donc, on est prêt à décoller. Ça s'est passé très, très vite. On fait une escale à Détroit et puis là, on n'a toujours pas personne qui nous attend là-bas. Et comme je le disais, comme la langue est très difficile, ben ça nous prend quelqu'un au moins pour nous accompagner. On ne sait pas qui sera là. On est sur notre téléphone, on essaie de joindre des gens. Et comme vous le disiez, quand on monte dans l'avion à Détroit pour aller vers Tokyo, on ne sait toujours pas qu'il y a un accident nucléaire. Ouais. Et donc, on prend l'avion dans les airs et c'est à ce moment-là que le monde va apprendre qu'il y a un accident nucléaire. Et moi, je me souviens, quand je suis revenu, ma conjointe m'a dit à quel point elle avait peur, en fait, parce qu'elle savait très bien que moi, je ne savais pas et que je m'en allais vers ce pays où il y avait un accident nucléaire dont on ne connaissait presque rien, finalement. Donc, ça a été une grande période de stress. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, eh bien, c'était l'inconnu devant nous. Et là, on a appris, en mettant les pieds à Narita, l'aéroport de Tokyo, qu'effectivement, il y avait un accident nucléaire à Fukushima. Donc, ce n'était pas qu'un séisme. Ce n'était pas, entre guillemets, qu'un séisme et un tsunami que vous alliez couvrir, mais il y avait aussi cette centrale où il y avait un accident avec tout ce que ça veut dire. Donc, vous débarquez à Tokyo dans cette société dont vous ne connaissez pas les codes. Comment ça se passe et avec cette surprise qui vous attend? Il y a eu un accident dans une centrale nucléaire au Japon. Comment s'organise la couverture? Bien, on avait réussi à joindre de Détroit une personne ou deux là, qui acceptaient de nous aider. Mais quand on est arrivé à Tokyo avec l'histoire de l'accident nucléaire, bien, tout le monde a annulé en fait sa participation. Il n'y a plus personne qui voulait nous accompagner dans la couverture de la zone dévastée au nord, qui était au nord de Fukushima. En fait, il fallait passer à côté. Et donc, on s'est retrouvé à Tokyo, gros gens comme devant, sans personne avec qui travailler. Donc, on s'est mis évidemment sur le téléphone et on a vécu... ce que décrivait Karine Poupé, les répliques, hein, mais des répliques, là, pas petites, magnitude 6,5, là, je peux vous dire, dans une chambre d'hôtel, ça brasse beaucoup et je peux même pas m'imaginer un séisme de 9,1. Bon, finalement, au bout de deux jours à Tokyo où tout était fermé, la ville était complètement paralysée, il n'y avait absolument rien. On a trouvé deux personnes, dont une Québécoise qui habitait le Japon depuis un quart de siècle, Christine Lavoie-Gagnon, sans qui vraiment on aurait... pas du tout pu faire ce qu'on a fait pendant deux semaines au Japon, et une autre, une jeune Japonaise là, qui avait vécu au Canada. Et donc, on est parti de Tokyo au bout de deux jours, on a fait des courses, on a acheté de l'essence pour aller donc, dans la zone dévastée, et on s'est aperçu en sortant de Tokyo que l'autoroute qui menait vers Sendai, donc qui était l'épicentre là où le tsunami avait frappé, que l'autoroute était fermée, qu'elle était réservée aux secours. Et là, il a fallu négocier avec les policiers. C'est Christine Lavoie-Gagnon qui a fait ça vraiment d'une main de maître. Je ne sais pas, je n'ai jamais su qu'est-ce qu'elle leur a dit, mais elle nous a évité donc de passer par les montagnes pour s'y rendre. On a évité un voyage de 12-13 heures là, dans des petites routes. Et on a pu constater les dégâts sur l'autoroute, mais aussi on a vécu un énorme dilemme, Jacques, en équipe, l'équipe de journalistes ensemble, parce qu'on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la centrale nucléaire de Fukushima. On passait à peu près à 25 kilomètres à l'ouest de la centrale sur l'autoroute et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait si on va au nord et on est pris là-bas parce que les vents changent de bord, que les poussières radioactives commencent à aller vers le nord? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on s'est consulté, on a mis en place un plan d'évacuation par le nord du Japon, si jamais on ne pouvait plus descendre au sud. Et puis, on a décidé d'y aller. Et on est arrivé à Sendai 4 ou 5 heures plus tard, là, quand même, parce que les autoroutes japonaises sont aussi construites pour résister le plus possible au séisme. Ouais. Ce qui est intéressant, quand vous arrivez à Sendai, c'est que tout de suite, vous... Puis on en a parlé au tout début de l'émission, c'est le tsunami qui a été plus dévastateur que le séisme. Mais la ville, à Sendai, en tout cas, est... Les constructions, la ville n'est pas trop endommagée. Ça, c'est probablement une des premières constatations que vous faites. Oui, parce qu'il y a des constructions parasismiques. Les immeubles sont construits pour résister au séisme. Et on a bien vu qu'il y avait très peu de dommages, en fait, dans la ville. Mais il y avait beaucoup de monde, évidemment, parce qu'on était juste à côté de cette immense zone qui avait été complètement rasée par le tsunami. Donc, tout le monde s'est réfugié à Sendai. On est arrivé là-bas. C'était le soir. Il faisait froid quand même encore au mois de mars. C'est quand même une région assez au nord. Et puis, on n'y avait pas d'hôtel, etc. Finalement, encore une fois, Christine qui a réussi à trouver un hôtel de passe au Japon. Il y en a quand même beaucoup. On était un peu réticents, mais finalement, ce sont des hôtels très propres. Franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer. Et on avait deux chambres et puis on s'est vraiment établi là pour la couverture dans cette zone dévastée. Et c'est le lendemain matin donc que vous pénétrez dans cette fameuse zone dévastée, la zone la plus touchée par le tsunami. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez là-bas? Oui, j'oublierai jamais ça, Jacques. On est sorti de la ville de Sendai, on est allé donc au début de cette zone qu'on nous avait indiquée. Puis au bout d'une route, on est arrivé devant cette mer de débris complètement rasée. Donc ça nous est apparu comme ça, presque soudainement. On est descendu de l'auto et franchement, je ne pouvais pas en croire mes yeux. C'était à perte de vue un territoire complètement rayé de la carte, complètement rasé, comme s'il y avait eu une grosse pelle mécanique géante là, qui était passée et qui avait tout détruit, tout arraché. Il y avait des maisons complètement pulvérisées. On voyait des effets personnels, des meubles dans la boue ici et là. Il y avait des voitures une par-dessus l'autre. On était à 4 km à peu près de la rive, puis il y avait des bateaux que la vague avait transporté jusqu'à l'intérieur des terres. Il y avait des jouets d'enfants, des livres, de la vaisselle, tout ça. C'est comme, imaginez un enfant là, qui construit un village en Lego et qui donne un gros coup de pied dedans pour le détruire. Bien, c'est un peu ça qu'on voyait en taille réelle. Un peu comme si un enfant avait dispersé ses jouets comme ça au hasard là, sur le sol. C'était vraiment, vraiment très, très difficile à voir. Et puis, au fil des heures, on a vu donc les secours aussi sortir les corps des décombres parce qu'il y a plus de, il y a près de 20 000 personnes hein, qui ont succombé, qui ont été prises dans cette grande vague. Oui, avec une urgence sanitaire, on est en opération humanitaire. J'imagine que les gens qui sont encore là, il y a eu des déplacés, mais encore des gens qui essaient de trouver refuge. Comment ça? Manque d'eau, ça doit être un peu la catastrophe, là. Oui, il faut dire que les secours japonais sont très bien organisés quand même. Et puis, il y a une grande solidarité aussi. Moi, ce qui m'avait marqué, en fait, dans tout ça, c'est qu'on allait dans les églises. Les gens se sont réfugiés dans les églises qui étaient toujours debout. Bon, il y avait on a établi des tentes un peu partout, des grands villages de tentes, si vous voulez, où les gens pouvaient aller se réfugier. Mais ce qui m'avait marqué, c'est la grande solidarité des Japonais envers les personnes âgées. On a vraiment, d'abord et avant tout, mis la priorité sur ces personnes parce qu'on sait que la société japonaise est une société assez vieille. Ouais. Et puis, moi, je me suis rendu compte à quel point c'était important. Et donc, c'était ça la priorité. Et donc, c'est comme dans tous les centres de déplacés, dans une tragédie, les gens dorment un à côté des autres, dans des lits de camp, etc. Mm. Mais jamais, par exemple, on a perdu le signal cellulaire. Hein. Les Japonais avaient mis des antennes cellulaires partout, donc les gens pouvaient communiquer. Ça n'a jamais arrêté. Donc, j'ai quand même aussi été impressionné par l'efficacité des secours japonais. Puis après, donc, quelques jours dans cette zone-là, vous décidez de revenir, de rentrer à Tokyo. Vous hésitez un peu parce que vous le disiez, il faut passer à côté de Fukushima. Là, géographiquement, vous n'avez pas le choix, mais l'objectif, pour des raisons de sécurité, c'est de contourner Fukushima et de rentrer à Tokyo. Et c'est à Tokyo, donc, dans une ville qui est toujours déserte quand vous y revenez, que vous vous retrouvez à faire le reportage qui suit, dans une banlieue de Tokyo, plus précisément. Au grand stade Saitama, les familles s'installent dans le corridor sur des couvertures et des boîtes de carton. Certains montent de petits murs de fortune pour un peu plus d'intimité. Pour faciliter les retrouvailles des familles séparées, on fait l'appel des noms. Madame Tanaka n'a toujours pas de nouvelles de sa sœur. Sa maison, qui gît tout près de la centrale Fukushima, est une ruine. Elle est atterrée par la perspective de ne jamais pouvoir retourner chez elle. La gorge nouée par le sanglot, elle dit qu'il y a tant de choses qu'elle aimerait récupérer, comme ses photos et comme le carnet de santé de son bébé. Juste à côté d'elle, l'appel des noms porte ses fruits. L'inespéré survient. Deux sœurs séparées par le tsunami se retrouvent. Toutes les deux pensaient que l'autre était morte. Je suis tellement contente de te voir vivante, dit-elle. Au Japon, après une semaine de malheurs successifs, ces cris de joie donnent à tout le monde un petit brin d'espoir. Étienne Leblanc, Radio-Canada, Tokyo. Alors, parlez-moi de ce qu'on vient d'entendre, Étienne Leblanc. Quand je vous ai demandé en préparant l'émission s'il y avait un souvenir en particulier qui vous revenait spontanément en tête de cette couverture de mars 2011 au Japon, vous m'avez parlé de ce reportage-là. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Pourquoi c'est un souvenir qui vous revient tout de suite en tête? Parce que ça évoque le drame. En fait, il y a eu donc près de 20 000 morts, je le disais, c'est énorme. Donc, plein de gens qui ont perdu des membres de leur famille, qui ne savaient pas où ils étaient. Et en plus, ce qu'évoque ce reportage, c'est les gens qui ont perdu leur maison dans la région de Fukushima, qui est une région qui a été très rapidement interdite d'accès, qui l'est toujours. Et donc, les gens, du jour au lendemain, ont perdu tout ce qu'ils possédaient, leur vie, finalement. Et c'est pour moi, cette rencontre rappelait le triple drame qu'a vécu le Japon, parce que les gens ont perdu plein de monde. Et puis, par la suite, on est allé à Tokyo et on a retrouvé une ville qui était assez dormante, mais qui, petit à petit, revenait à la vie tranquillement. Puis, j'ai pu vivre sur place le réveil de Tokyo, le grand marché aux poissons, le métro qui a rouvert, etc. Et donc, la vie qui reprenait un peu du sens après cette triple tragédie qui a duré, où tout a été arrêté presque pendant 2 semaines. Oui. et qui n'est pas complètement, vous le disiez, dans la région immédiate de Fukushima, il y a encore un impact réel. Tout n'est pas revenu à la normale, loin de là. Parlons-en un peu, parce qu'on en a très peu parlé de l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ça se produit donc le lendemain du séisme et du tsunami. C'est le 12 mars 2011 que l'accident a lieu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, le séisme a arrêté les réacteurs. Il y a un système automatique qui se déclenche quand il y a des vibrations trop grandes dans le sol. Et donc, les réacteurs se sont arrêtés. Mais c'est le tsunami, en fait, qui est arrivé une cinquantaine de minutes après, qui a fait le plus de dommages. Une vague de 15 mètres, en fait, qui a inondé les quatre réacteurs de la centrale Fukushima. Centrale qui était conçue pour un séisme de magnitude 8, pour une vague de 5 mètres ou 6 mètres à peu près. Donc, complètement inondée. Et donc, l'alimentation électrique a été coupée. Et le problème qu'on a vu par la suite, c'est très complexe, mais c'est les systèmes de refroidissement des réacteurs qui ont été coupés. Les réacteurs ne pouvaient plus être refroidis. On a vu dans les jours qui ont suivi là, des hélicoptères qui balançaient de l'eau sur les réacteurs pour les refroidir. Il y a eu une série d'explosions et les gens, évidemment, craignaient la radioactivité. On a évacué toute la zone. Et dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, on a été mal informés, en fait, par les autorités japonaises. Les gens ne savaient pas trop la dangerosité de ce qu'il y avait autour de la centrale, de l'accident. Et on s'est bien rendu compte que ça avait été assez mal géré, enfin, cette catastrophe-là, puis qu'il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur maison et que la zone est toujours aujourd'hui fermée après toutes ces années. Oui. Finissons, terminons l'émission justement en essayant de voir où on en est, pas qu'à Fukushima, mais au Japon, en fait, par rapport à cette triple tragédie de mars 2011. Où en est le pays aujourd'hui? Je crois que au point de vue énergétique, en tout cas, ça a beaucoup changé. Le Japon était un pays avec 54 réacteurs nucléaires. On a décidé de sortir du nucléaire tranquillement. Il reste 9 réacteurs en marche aujourd'hui. Et le Japon a décidé donc de sortir du nucléaire. Mais aujourd'hui, on est beaucoup dans l'énergie fossile, hein, le charbon, le pétrole. On est revenu à ça. Ça, c'est une chose. Mais la grande efficacité, la grande résilience des Japonais, moi, je vais garder ça quand même en souvenir, fait en sorte que la zone s'est reconstruite assez rapidement, même si autour de Fukushima, évidemment, il y a des gens, plein de personnes qui ont perdu leur possession, leur maison, parce que ce n'est plus vraiment accessible. Mais ce que je retiens, je dirais, de cette expérience, c'est la grande résilience des Japonais, des gens qui se sont tenus ensemble, qui se sont serrés les coudes, solidaires, et qui se sont relevés. Et aujourd'hui, bien, si vous allez dans la région, évidemment, vous allez voir des traces, mais presque pas, contrairement à d'autres catastrophes naturelles qui ont pu avoir lieu ailleurs dans le monde. C'est très impressionnant comment les Japonais ont réussi, malgré tout, à se relever de tout ça. Étienne Leblanc, journaliste spécialiste des questions environnementales à Radio-Canada, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir, merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Annie Richer, recherche d'archives Fanny Leblanc et Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.